voler de taverne en taverne à la recherche d'une bouée. Les yeux noyés dans le fond des cernes comme des yeux de zombies marinés. Dérivés de bière vide en bière pleine dans le matin ensoleillé, se sentir gonfler la bédaine. Comme un mongol fier essoufflé, poigné aux portes de l'Éden, n'est qu'une maudite envie de pisser sa peine. Errer de taverne en taverne comme un chien perdu sans collier. De quarantaine en paliverne avec les épaves ballottées. Couler dans la brume qui te cerne comme un vieux pirate attaché à la patte d'une chaise de taverne. Avec la jambe de bois ancrée dans la vase des amours passés, je meurs de soif auprès de la fontaine. Errer de taverne en taverne, incognito de cœur léger. Laissez flotter les idées ternes, quel beau feeling de liberté. Crie ça, diabla, crie ça, bonne femme d'avoir si boire, tout nu dans la rue, vendu tout mon ménage pour boire. Là je sors le soir, l'amour me hante, la nuit m'enchante, je suis libre comme l'air, je prends une petite bière, je sors sur le trottoir, les oiseaux chantent. Errer de taverne en taverne avec les joyeux naufragés. Errer de taverne en taverne pour se donner l'impression de bouger. Je m'appelle Léon. Des environs, je fréquente les bars pis les salons, les bons à rien pis les crétins, les assassins pis les malsains, les éternels coureurs de dates, les rapineux fumeurs de pot font toute partie de mon entourage, comme moi je fais partie de leur image. Je m'appelle Léon Caméléon, je suis l'espion de la boisson, je fréquente les boîtes pis les soulons, les musiciens faiseurs de train, les écrivains sculpteurs de rien, les alcooliques macrobiotiques, les freaks, les bums, les vieux beatniks sont les reflets de ma culture, on est tous sur le même bord de la clôture. Je m'appelle Léon, le caméléon. Pour le camouflage, je suis bien bon, j'ai manqué des grandes occasions. Les gars, poli les gars aimables, viennent bomber du feu à ma table. Moi, je suis le miroir de toutes les autres. Il reste plus rien qu'à mettre deux bottes et puis de m'accrocher au mur en tant que chef-d'œuvre de la nature. Hey! Pink Floyd à Pompéi. Pompéi, ce n'est pas Pompéi, c'est l'hiver. Mon jardin, c'est Pompéi. Madame, moi je viens de... Exactement, madame. Moi aussi, je les aime, moi. Je les aime causer de mer en mer. Mère à mère. À mère. À mère, America, ouais. Au cas où vous avez entendu... Ouais, vous l'auriez... Non. Attends. Là, on dit... Déjà... Ben, il y avait plume la trave... Ouais. C'est des réflexes. C'est des bons réflexes, hein? Qu'est-ce que je disais? Ben, je disais... Pink Floyd... Vous avez compris? On répète plus. Bon, on se... Hey, t'as remarqué, hein? C'est une prostituée. Voyons donc, comment ça, tu sais ça, toi? Mais la question n'est pas de savoir comment moi je le sais, mais pourquoi toi tu ne le sais pas? Ben, comment on fait pour voir ça? Hey! Excuse-moi, là. Mais si tu fonctionnes pas à la compréhension urbaine, ben, moi, c'est... C'est comme ça que ça fonctionne. Mais pourquoi tu fais? Parce que, comme disait mon ami Jacques, il ronronne au salon, il dit oui, il dit non, et puis il les attend. Non, mais ça, c'est l'horloge. Mais non, c'est pas l'horloge. Voyons donc, toi, il les attend. Oh non, mais oui, c'est dans les vieux. Les vieux. Ne cherche plus, ou alors seulement... Debout des yeux, même tristes, ils ont pas d'illusions, ils n'ont qu'un cœur pour deux. Moi, je voudrais un corps de poitrine pour toi, mais un gros corps, s'il vous plaît, un gros corps, mais pas trop gros, parce qu'on veut le lever, sinon on va le mettre dans le corps à vidange, c'est ça? Ouais, faites-le, non, pas goût, ben voyons, non, mais moi, j'aimerais ça bien cuit, là, c'est du poulet, pas de la dent. Ouais, vous voulez nous envoyer de la dinde? Mais moi, j'en connais deux. On pourrait les appeler. Ils vont répondre. Ils vont essayer. Qu'est-ce que ça fait, une dinde? Mais non, ça ne faut pas ça. Ça, c'est un riz colleux. Voyons donc, toi, c'est quoi un riz colleux? C'est un... Tu connais pas ça, toi, les riz colleux? Mais non, je connais les ricolets. Les ricolets, mais moi, les riz colleux, ça fait bizarre dans le micro parce que... Est-ce qu'on doit raconter? Ben oui, vas-y, t'es déjà parti. Ben moi, je pars de rien, moi. Tu me dis salut, puis je suis parti. J'ai tellement peur de répondre. Ben, ça va bien, ça va, ça allait mieux, mais là, ça va pas. Mon épouse m'a quitté. Non, ma troisième du mercredi. Celle du lundi est tout à fait adorable, mais on vient de se marier, là. T'es pas bidélinguiste? Non, je suis pas bidélinguiste. T'as misère à parler le français, moi. Mais je suis pluricellulaire. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais? Je me démembre. Comme la tentacule. Mais voyons donc, c'est la... C'est comment t'appelles ça? La girouette. Pas la girouette, ça, là. Squidly diddly, c'est une tentacule. Ben oui, mais c'est quoi? Une curieuse. Une curieuse aventure? Non, un animal curieux. Tout ce qui est curieux intéresse certaines personnes. Les autres, ben, on veut rien savoir. Pourquoi? Ben, parce que c'est un manque d'intérêt, là. Qu'est-ce qui est un manque d'intérêt? Ben, la curiosité. Quand tu veux pas rien savoir, toi, t'es un borné. Quand t'es un borné, t'es un morné. Un morné dans le savoir. J'en connais plein de même. On n'arriverait même pas à terminer de relater tous ces individus qui, comme l'huître, se ferment. On l'a déjà fait. Ben oui, mais on s'ouvre, nous. On s'ouvre à l'horizon. On s'ouvre... aux tentations nocturnes. C'est quoi des tentations nocturnes? Ben, t'es-tu un enfant, toi? Oui. Moi, je veux tout savoir. Mais c'est bien ça. Moi, là, regarde, je te donne là-dessus, là, je te chevronne, je te patronne, je te chevrauche, je te débauche. Non, je te donne ma bénédiction maternelle. Maternelle, là. Mais t'es pas une maternelle? Non, c'est vrai, je suis pas une maternelle, moi. Je suis en troisième année. Ah, oh, je suis compté. Mais compte pas sur moi. Ouais. Non, c'est... Non, tu me parles pas. Je sais, tu dis rien. C'est dans ma tête. Je me réponds. Puis si tu vois que je deviens agressif, là, arrête-moi parce que je peux me frapper, hein? Non, mais c'est parce qu'à l'intérieur, là, il y a plein de personnes qui veulent placer un mot, mettre des paroles sur des faits, dire ce qu'ils voient. Puis s'ils voient, c'est grâce à moi, là, quand même. Là, c'est moi qui visualise. C'est moi le Robocop. Le quoi? Le Robocop. Le robot, cop, cop, robot cop. C'est comme le film. Ben voyons donc, allume-toi là, là. Mais je peux pas allumer, je suis une veilleuse. Ouais, mais les veilleuses sont aussi allumées, attention toi, là. Tu veux mettre asseoir en péril, hein, la vie des veilleuses, toi, là. Ce que tu veux asseoir, là, là, c'est que toutes les veilleuses passent pour des innocentes. Hé, hey, attention, là. Là, on va déposer la feuille. Excuse-moi, dépose la feuille. Là, donne-moi un gorgeon parce que j'ai pris, excuse-moi, j'ai pris de la colle, la prothèse pour coller. Puis là, ça fait comme... Elle, t'as pas un dentier, toi? Non, j'ai trois dentiers, moi. Je vais vous raconter ça à un moment donné. C'est de l'eau minérale, ça? Non, c'est de l'eau bénite. Ah, mon Dieu Seigneur! Je vous salue, l'eau bénite qui vient de me bénir le corps et le corps. Comment ça, c'est pas le corps, là? C'est la bouche. Oui, mais dans la bouche, moi, excuse-moi, là, mais moi, ma bouche fait partie de mon corps. Toi, pas vraiment, là. Toi, tout est divisé. Il faut te rassembler, puis des fois, on manque des morceaux. On dit, ah, mais il me semble qu'il n'y en a pas assez, là. Ou on rentre la matière grise, il n'y en a pas de matière grise, là. Mais c'est normal, c'est lui, c'est l'animateur. Oui, puis, ben, c'est ça. Lui, sous les feuilles, il est bien brillant. Ah, mais quand l'automne est passé, il n'y a plus de feuilles. Ben, c'est ça, c'est un innocent. L'innocent. L'innocent. Ben non, il se sent pas, c'est un innocent. Ah, c'est vrai, il se sent pas, c'est un innocent. Arrête donc l'écho, toi, là. Il y en a beaucoup. Il y a d'écho? Non, d'innocent. Ah, man, ça, c'est vrai. On est entouré d'écho. Non, là, non, madame, arrêtez-moi, là. Arrêtez-moi, je vais me frapper. Il y a des personnages là-dedans qui veulent répéter des affaires. Le monde, oh non, ras-le-bol. C'est une cassette, tu répètes, puis tu coupes des fils, puis tu raboutes, puis non, c'est pas des fils, c'est des rubans. Tu coupes les rubans, puis non, on n'est plus aux rubans, nous autres, on est au numérique. Oh mon Dieu. Et moi, le numérique me pique. Ça me pique de l'argent dans mes poches. Mais ça me ravit l'oreille. Ravit l'oreille. La virologue. Ah, je connais pas, lui. Non, la virologue. Non, c'est une fille. La vie Mireille. Oh! Avec toi, Mireille, la vie, c'est que c'est de la couleur à l'unisson. Mais le son, c'est pas de la couleur. Ben voyons donc, toi, la texture. Quand t'es pas musicien, t'es devant un grand, là. Exemple, j'en connais. Celui, le guitariste d'Alain Bachung. Pêchin, M. Pêchin. Yann Pêchin. Moi, je suis pas trop brillant là-dedans, là. Tu sais, fais-moi un si bémol. Si bémol, oui, ben, je pense que c'est pas dans ta gloroture. Ma gloroture peut prendre n'importe quel abcès. Ben oui, on le sait. Un abcès trop abondant. Comment ça, t'as remarqué ça? Ah non, mais dis-moi une couleur. Ben moi, je voudrais bleu nuit. Ah, mon Dieu, ça, c'est cochon. C'est très pervers. Ah, mais la note perverse, de la perversion. La note de la perversion, c'est... Oui. Est-ce qu'on doit enregistrer, doit faire quelque chose? Non, prenez ça, OK. Alors, voici ça avec mon gérant. Moi, la perversion, je n'ai jamais vu ça, moi, là. Ça m'amène peut-être en prison, fait que non, jamais... Mon agent est ici. Un agent de la paix? Oh non, non, pas un agent de la paix, lui, là. Il sent pas. Non, pas de paix, là. Pas le... C'est de paix, l'agent de paix paye X. Comme Félix. Pas Félix, c'est Raymond. Voyons donc, Raymond. Quand les hommes vivent en amour, il y a un peu de misère. Raymond, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Moi, ça va mieux. Et comment je compte? Ça va mieux, ça allait pas bien avant. Si tu dis ça va mieux, c'est que ça allait pas avant. Ben, je me disais que je pourrais jamais m'envoler. Ben, voyons donc, toi, mon oisillon. Le petit René a fait sa carrière là-dessus, les petits oiseaux manquants. C'est pas ça, lui. C'est pas vraiment ça, là. C'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'on peut l'entendre? Pour le public, on n'osera pas. Mais voyons donc. C'est l'oiseau. Ah non. On l'a déjà fait jouer celle-là, puis on a eu des critiques. Quand les critiques me critiquent, je me dis, peut-être dans ma fonction d'animateur, fonction de réalisateur, fonction de je crois, je suis aussi programmeur de ma musique, tout ça. J'y ai eu un flange, un léger décalage. Ah, c'est mieux décalage, hein, madame? Vous aimez ça, les décalages, vous, hein? d'horaire, de bière, décalage de bière. Ben voyons donc, vous. OK, oh, je comprends. Oh oui, elle fait des collections. Elle aime ça, les collections. Elle ramasse. Quand elle va mourir, là, son mari, là, 18 casiers à mettre au vidange. Oh mon doux Seigneur. Madame, arrêtez, arrêtez pour vous. Pas pour vous, pour les autres. Quand vous allez quitter, là, qu'est-ce qui va rester? Ben trop de choses. Ah, mon, on s'étouffe de nos affaires. Trop d'affaires. Moi, j'ai une affaire à dire. Quoi? Non. Va-t'en. Il y en a trop d'affaires. Non. J'ai une chose. C'est pas un objet. Ah, oh, OK. C'est un mot. C'est une idée. Ah, mon, lance-moi ton idée. Moi, je trouve c'est fort qu'Einstein. C'est-tu ton idée, ça? Non, c'est... non, je veux... Ça, c'est une... l'introduction à mon idée. Ah, mon, là, si tu te compares à Einstein... En fait, c'est Einstein qui se compare à moi. Mais voyons, et dans quel livre? La rationalité, selon Saint Matthieu. Mais voyons donc, Saint Matthieu, en fait, Einstein a écrit ça. Matthieu. Mais voyons, page 18. OK. Lorsque je l'écoutasse... Non, c'est l'écoutame. OK, écoutame. Jusque... Non. Lorsque... Excusez-moi, je me suis trompé de page. Lorsqu'ils nous écoutèrent... Qui ça, les écouteurs? Non, les écouteurs. Les écouteurs nous écoutèrent? Ben non. Hey, toi, attention. Ne flanche pas dans la langue française, sinon tu risques de culbuter dans l'anglicisme ou dans... Quoi, le... Hein? L'imbécilisme? L'imbécilisme? Isémis? OK? Isémis? Télémis? Nololus? Anestémini? Arémeré, Anesti. C'est quoi ça? C'est une langue de Bolière. Ah mon Dieu, comme disait Bolière. Bolière, murmure aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est Molière, dur aujourd'hui. C'est de quelle blague ça? C'est de Renald Gagné. Ah mon Dieu, le pseudo-humoriste. Non, l'humoriste. Pseudo-animateur. C'est quand même un certain... Hein? Faut aller voir plus loin. Plus loin, ben plus loin de... Premièrement, où sont mes feuilles? Et puis tu... Ah oui, c'est là. Oui. J'ai voulu m'élancer, puis je suis tombé par terre. J'ai mis ça sur Facebook pour vous dire que... Ah, mon doux Seigneur. On y va. Oh oui, ben oui, Pink Floyd, The Wall, The Wall. Monsieur le Président, monsieur le patron catholique, aïe donc, Madame les Voluptés, et vous, chers résidents réticents, impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone et rance-rénadienne, car à Cobourg, vers cette émission, si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, l'errance renadienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels, je me lèche le doigt pour tourner les pages. Attention! Ils le savent que Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. À volonté. Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Le Néant Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 4 avril. Pas le 4 avril, voyons donc, monsieur Grenier, vous êtes en état d'arrestation intellectuelle. Ben voyons donc, vous. Où est mon ami? Oh, il est ici. On l'a retrouvé. Aujourd'hui, le vendredi 21 mars 2014. Oh, ça passait presque trop vite. Nous voilà ensemble, avec mon ami Gueule de Bois. Car laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste humaniste et engagé Gueule de Bois, mêlant les genres, les humeurs et les sons, mélangeant accordéon, tuba, trompette et guitare électrique, alliant l'émotion de la chanson et l'énergie du rock explosif, Gueule de Bois travaille autour de l'univers musical. Le résultat est une espèce de chanson électrique poétique qui est torturée par un texte extrêmement poussé, En juillet 2013, Errance Rinaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste incroyable. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Il faut s'arrêter ici pour essayer la musique. Laisser la musique marcher vers nous. Si vous avez faim, tapez 1. Si vous avez le feu, tapez 2. Si vous avez froid, nous n'avons pas pu vous identifier. Rien à battre, tapez 4. Toujours les mêmes qui trinquent, tapez 5. Vous appréciez cet exercice, nous n'avons pas pu vous identifier. Mais si vous n'avez pas bras, alors ne tapez pas. Si vous n'avez pas de main, tapez rien. Vous saisissez le concept. Tapez 7. Vous connaissez la suite. Tapez 8. C'est pas du bluff. Nous n'avons pas pu vous identifier. Vos paupières s'alourdissent. Tapez 10. La solitude vous pèse. Tapez 10. Les étoiles, nous n'avons pas pu vous identifier. Mais si vous n'avez pas de bras, alors ne tapez pas. Si vous n'avez pas de main, c'est pas grave, tapez rien. Allez mieux, tapez 2. Si vous n'allez pas, nous n'avons pas pu vous identifier. Nous n'avons pas pu vous identifier. Nous n'avons pas pu vous identifier. Nous n'avons pas pu vous identifier. Nous n'avons pas pu. Oui, c'est, et puis c'est un mec qui est complètement en accord. Il s'en fout. Il est complètement d'accord avec ce qu'il fait. Et ça, ouais, il s'en fout. Il s'en fout, de toute façon. Voilà, voilà, c'est son 13e album, hein, Sarko. Donc, il rigole. Il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. Qui même le suit, hein, comme disait Bachon. Ouais, c'est ça. Peu importe. C'est important, il va. Il y a un vrai public, c'est un public qui suit un chanteur malgré les changements musicaux. Et tu sais, on n'est pas non plus obligé de s'attendre à un son. Non, ben, on a le droit, même une chanson, on a le droit de la faire différemment d'un jour à l'autre. Suivant la vitesse du vent, suivant s'il fait chaud, suivant si t'es fatigué, si tu t'engueules avec ta femme la veille, si ton gosse a fait des conneries à l'école, tu vois, bah, on n'est pas des machines, donc le soir, la chanson, tu la vis pas, tu vois, tu ne vas pas dire la même chose pareil, parce que tu as vécu quelque chose, avec des, il y a d'autres résonances, et on a le droit de ça. Et toi qui as des enfants, qu'est-ce que tu essaies de leur proposer comme idéologie, comme... Voilà, j'essaie, tu les laisses aller? Je les laisse, ouais, je les laisse aller, ouais. Très important sur le vivre ensemble. Mais ça, c'est ça, je partage. Et puis qu'ils prennent le maximum d'armes pour pouvoir être ce qu'ils ont envie d'être eux-mêmes. À un moment, ils sont encore jeunes. Hein. Il y a deux filles, 14 et qui va prendre 18 ans. 14-18 quand même. Quand même. Construction et foncier dans tous les cas. 14 ans en 2013, c'est beaucoup. C'est quand même quelque chose. C'est ouais, ben de 18 aussi. Hein. Oui, mais un gars, c'est déjà moins bien. Ouais, là, oui, c'est vrai. Et tu dois sentir, tu dois avoir l'expérience. Une fille de 14. Ouais. Et puis, c'est pas la même époque qu'il y a 20 ans. Non, c'est pas la même chose. La femme est quand même assez complexe. Ouais, donc, si elle a 14 ans, toutes les idées, les vidéoclips. Les vieux stéréotypes qui sont encore très très présentes. Et, tu vois, voilà. Malgré le fait d'être Es-tu un gars féministe ou Oui, bien sûr. Oui, enfin, ça dépend. Je suis pas un extrémiste féministe. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de... La connerie, c'est qu'on a tellement plus de points communs que de différences. entre les hommes et les femmes. Tu vois, quoi qu'il arrive, on est, quoi qu'il arrive, on est de la même espèce. Hein, ouais. Donc, je pense qu'on a beaucoup plus de points communs. Après, le monde dans lequel on vit est le résidu d'un patriarcat millénaire avec des trucs qui sont ancrés terriblement. Essayes-tu de laisser à ta fille l'ouverture en lui disant le monde t'appartient même si tu es une fille donc, Oui, bien sûr, bien sûr. Et tu, bien sûr. Travail égal, salaire égal. Bien sûr. Mais c'est pas ça que tu veux. C'est pas parti pour, non. Voilà, je sais pas, mais là, la, ma grande, là, elle est partie dans un truc, elle était musicienne. Elle, papa. Non, mais tu vois, elle a commencé, elle était dans des classes aménagées, donc elle faisait un conservatoire l'après-midi, école le matin, depuis qu'elle a, elle a appris à lire la musique en même temps qu'elle a appris à lire l'alphabet, tu vois. Toi, tu lis la musique, toi, tu as une formation. Non, je lis pas la musique. Oh, alors ta fille Ma fille, oui, elle a fait ça, donc elle a commencé à 11 ans, école le matin. Conservatoire l'après-midi, percussion, ça. Et puis arrivé à ce moment, elle a dit oh là, conservatoire, ils veulent faire des premiers coups de conservatoire. Moi, ça m'emmerde. En plus, elle a choisi percussion. Percussion, c'est très chiant. Tu vois, des fois, tu as un coup de cymbale à faire, tu comptes 180 mesures, et au moment que tu dois faire, putain de coup de cymbale, mec, non, on le refait pour les cuivres. D'accord. Alors, tu joues jamais, bref. Alors, okay, avec ta... Elle a complètement arrêté. Elle a dit non, mais de toute façon, ça va bien. Moi, je vais faire médecine. Médecine ? Ouais, moi, je vais être médecin. Mais quand même, reste avec elle la musique fait partie de sa vie, okay. Elle, tu vois, elle a appris le piano toute seule, vu qu'elle lit les partitions. Mais elle a mis ça vraiment, je fais ça pour le fun, pour m'amuser. Est-ce que tes enfants aiment ce que tu fais Oui, je crois, ouais. Après, je pense pas qu'ils puissent apprécier ça comme quelqu'un de lambda. De toute façon, avec l'activité artistique de quelqu'un que tu aimes et que tu connais dans tes proches, et t'as un rapport complètement différent quoi, tu vois, avec, parce que tu vois plus de tenants, plus d'aboutissants, plus de choses. Donc oui, elles sont contentes, elles veulent leur disque, leur dédicacé, tout ça. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Surtout pour papa. Ouais, et puis il y a toujours un petit mot dans la pochette aussi. Ah, voilà, ouais, bien sûr. Ok, mais c'est bien. Ouais. Et au fur et à mesure, tu viens de finir un album en 2012. Mm-hmm. Ce que j'ai eu c'est ça. Tout juste de sortir. C'est Brad qui était très empressé de me remettre ton album. Il écoute ça, soir. Ouais. Et c'est, effectivement, moi, c'est ce qui m'a plu parce que sans non plus cataloguer les gens, on voit que tu es dans le créneau Gainsbourgeois. Oui, si on... Oui, jusqu'à ça... Aznavour. Ah oui, beaucoup plus. Je préfère Serge Gainsbourg à Aznavour. Quoique, il est rendu quand même assez âgé, il a souhaité d'avoir la vivacité d'Aznavour avec l'influence gainsbourgeoise. Ils n'ont pas eu la même vie, je crois. Oh, non, c'est ça. Ils n'ont pas dû avoir la même vie. Il y en a un qui a vécu à 200 000 $ et il y en a un peut-être qui peint. Est-ce qu'on veut vivre intensément jusqu'à 65 ans ou vivre lentement et sûrement jusqu'à 95 ans, là est la question. Odieux des réalités chauds. Sur les les larges flots furibards, tout secoué par les embruns. Je ne faisais pas le malin. Sur les larges flots furibards, je composais des airs marins. Les rangs de tous les faux indiens. Quand on fait de la musique, faut avoir l'esprit pratique. Il faut savoir exploiter le goût immodéré des gens pour l'exotique. Surtout pas se mettre en tête originalité, authenticité. Aïe, aïe, aïe, aïe. Voilà les grands mots lâchés. Aïe, aïe, aïe, aïe. Si on fait dans les idées, on va sûrement être exclu de la fraternité des chanteurs à succès. À la place d'un tas de dollars, on va tout juste avoir sifflets et colibets. Nous sommes un corps, nous sommes un corps. Un corps pathologique, nous sommes un corps. Nous sommes un corps anachronique. La musique des Indiens ou celle des Mexicains ou celle des Colombiens, ça nous dit seulement misère, sécheresse de la terre, pouvoir des militaires. Peuples écartelés, villages abandonnés, bidonvilles surpeuplées avec plein d'enfants bien sous-alimentés. Et les prisons infernales où sévissent torture, carnage et pourriture. Aïe, aïe, aïe, aïe. C'est pas ça qu'il faudrait dire. Aïe, aïe, aïe, aïe. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas réussir à faire la chanson qui donne envie de partir. La chanson publicitaire pour remplir les charters de joyeux vacanciers. Pathologique, nous sommes un corps, nous sommes un corps, un corps anachronique. À travers cette chanson complètement débile où notre esprit fragile s'est donné du bon temps, on voulait simplement dire salut en passant aux peuples écartelés, aux villages abandonnés, aux bidonvilles surpeuplées avec plein d'enfants bien sous-alimentés et aux prisons infernales où sévissent torture, carnage et pourriture. Thank you. pour la faim, du produit pour les chiottes, du respect pour les flics, une peau pour la soif et pas d'air pour les braves. Des chaussures pour les pieds, bonne nouvelle pour les astres, un petit coin pour la nuit, du poison pour les rats, des gâteaux pour ta mère. Chaud, le petit pain qui chante, le petit kawa qui passe, c'est bien beau, oui, c'est bien beau, oui, c'est bien beau, oui, mais hélas, chaque truc reprend sa place et c'est déjà fini. Si on mettait le matin, jamais avant 13h, ça donnerait du tonus à tous les fainéants. 13h mordicus, ça mettrait de bonne humeur. Nos horloges intérieures, sans être exténuants. Les enfants du voisin dansent la carmagnole. Madame coffe le jardin, monsieur branle la bagnole. Le chien hurle à la mort, et c'est encore pour rien. C'est toujours lui qui a tort et le bébé va bien. Si on mettait le matin vers les 19h30, ça tomberait juste pile poil pour l'heure de l'apéro. Qui tomberait juste pile poil, qui pleuve ou bien qui vente. Avant l'heure du bureau, et ce serait radical. Tout chaud, les petits câlins qui passent, les petites poubelles aussi. C'est bien beau, oui, c'est bien beau, oui. C'est bien beau, oui, mais hélas, chaque truc reprend sa place et c'est déjà fini. Si on mettait le matin, jamais avant moins le quart, bah ça m'ouvre la porte, ça mènerait la vie dure à tous les petits malins qui sont jamais en retard. Et qui pensent que le turbin, ben, c'est l'œuvre de la nature. C'est l'œuvre de la nature. Il n'y a pas de réponse à cette question. Non, c'est chacun. C'est chacun son biorhythme. C'est ça. Et sa façon d'entrevoir la vie. D'entrevoir la vie. On a un fût à boire. Tu le bois vite, tu le bois pas vite. Et lorsque tu prépares tes albums, est-ce que tu as beaucoup de trucs d'avance dans tes tiroirs ou tu composes uniquement pour les albums? Au départ, j'avais des trucs d'avance. Okay. Parce qu'en plus, au départ, on faisait des disques il y a 20 ans. On faisait faire un disque, c'était vachement compliqué. Mm-hmm. Beaucoup plus compliqué, beaucoup plus onéreux. Avec le prix de la bande, avec la démarche. Donc, tu peux faire ça chez toi. Maintenant, tu peux sans le faire chez toi, mais voilà, tu peux avancer plus. Et donc, au départ, comme on faisait pas de disques, moi, j'avais des chansons d'avance. Et puis là, depuis les deux derniers, et le prochain, là, qui vient de finir. Ah, tu travailles là-dessus, là ? Ouais, je suis en plein dedans, là. Okay. Je suis en plein dedans, en plus, avec une histoire assez particulière. C'est que là, je vais me faire opérer d'une épaule. J'ai une merde d'épaule, j'ai de l'usure. Et donc, je risque d'être immobilisé pendant un bon bout de temps. Depuis deux mois, je travaille à fond sur un album. Et en fait, il s'avère qu'il est prêt. Il est pas dans ma tête. Okay. Et donc là j'ai rendez-vous ce soir pour voir si quelqu'un me prêterait un studio pour aller l'enregistrer, mais vachement tout seul. Avec okay. Juste un batteur, je vais faire tous mes autres. Et ça veut dire que je le ferai avant. Ce sera pas con parce que je vais. Avant l'opération. Avant l'opération. Alors je me tâte. Mais d'un autre côté, après l'opération, les tubes lui disent « Ah ouais, mais vous savez, vous n'allez pas récupérer votre épaule à 100%. » Je me dis « Tant pis, je grimperai plus dans les arbres, ça je peux m'en passer, mais j'ai quand même envie de toucher de la guitare. Ouais, » voilà, et puis c'est un truc, je suis dans la douleur par rapport à ça, je joue de la guitare, ça ne m'empêche pas de jouer, mais je joue de la guitare, il me fait mal. Donc le soir, je le paye, j'arrive plus à dormir, tout ça. Mais je le fais quand même, tu vois. Donc c'est un truc assez... Mais c'est aussi ton gagne-pain. C'est mon gagne-pain, puis je suis dans une démarche de... C'est la première fois que faire de la musique me fait mal. Ah oui. Donc c'est une démarche très très particulière. Ah, c'est quand même assez... Voilà, c'est assez particulier. Mais peut-être j'aimerais bien aller au bout de ça. Et pourquoi pas l'enregistrer très vite, là. Et l'album, c'est quoi? C'est deux musiciens? L'album, ce sera deux musiciens. Il y aura quelqu'un qui va faire des batteries. Après, il y aura quelques musiciens invités. Mais je crois que je vais faire les basses, les machins. J'ai déjà avancé hein, sur le truc. J'ai déjà les textes maquetté. Sont écrits, tout est fait. Là, c'est maquetté, il y a des arrangements de faits, il y a des trucs comme ça. Et tu veux faire ça rapidement, donc presque en une journée, non? Ah non. Je pense que je vais me faire prêter un petit studio pendant un mois. Okay. Tout dépend combien mon copain, c'est un copain, combien il va me le faire, qu'est-ce qu'on va trouver comme arrangement. Et voilà, après je sais pas si je sortirai un disque avec, parce que ça devient difficile de vendre des disques et je vois pas l'intérêt. Mais tu peux mettre ça sur Internet. Mais je le mets sur Internet. Okay. Mais par contre je pense qu'il faut garder un format avec plusieurs chansons, un voyage, ouais. Tu vois. De voilà. 1 à 10, là. Voilà, c'est pas un titre tout seul, ça veut pas dire grand chose. Tu veux créer un paysage. Voilà, voilà. Et ça le disque, de toute façon c'est pour ça que le disque est pas prêt de disparaître. Quoi, tu vois. Non. Pour ça, par rapport au contenu, aux possibilités de à temps, l'histoire à l'histoire, bien sûr. Sans aller dans le concept album, sans aller dans un truc, mais c'est une photo avec multiples facettes qui est prise à un moment précis et sur une longueur, c'est pas. Voilà, c'est autre chose qu'un morceau. Quand tu réécoutes tes premiers albums, est-ce qu'ils ont bien vieilli? C'est vachement difficile, j'écoute très très peu. Et quand j'écoute un album, c'est généralement de manière très critique, pour rebondir, tu vois, pour revoir tiens, pourquoi. J'ai jamais fait des albums dans des conditions de confort énormes, hein, donc, tu vois, donc à chaque fois c'est toujours des cracks et donc il y a toujours des fois où tu tranches des choses pour des raisons financières aussi. Il faut le faire, il faut trancher, autrement ça s'arrêterait jamais. Donc évidemment, ces contraintes là, quand tu réécoutes, tu te sautes tout de suite à la gueule, donc tu essayes de faire différemment. Mais après, j'ai fait des albums avec trois musiciens en 10 jours de studio, et j'ai fait des albums, il y en a un que je te filerai, la tute, il y a 20 morceaux, je crois que c'est presque un double, on n'a pas pu le faire en double, parce que ça faisait double fabrication, et c'était plus cher. Et je voulais faire aussi un pied de nez en disant, les mecs, ouais, ils vont pas te filer le pognon, mais je t'emmerde, je vais faire un double album. Je n'ai pas pu le produire en tant que double album, mais il y a 20 chansons, et ça a été enregistré en 3 jours. Oh, c'est bon. trois jours. L'énergie était là. Après, ça fait des résultats complètement différents. Tu sens bien que c'est live. Hein. On n'a pas fait un roro de guitare. Les voix ont pas été refaites. C'est comme elle faisait. Plus, et ça, c'est vachement intéressant. Ouais. Et donc, tu préfères fonctionner première prise. Ah oui, c'est bien. Là. Parce que tu gardes les erreurs parce que pour toi, c'est représentatif. Puis quand tu ressasses une émotion en chantant, tu la perds à la fois. Tu cérébralises, tu dis « Ah ouais, mais là, j'ai fait ça, alors que peut-être… » Alors que si tu dis « Bon, ben voilà, c'est toi. » Sinon, ça finit plus. Tu pourrais très bien jamais arrêter. Les techniques, maintenant, font que tu pourrais ne jamais arrêter. Et ça devient… Paris-Roubaix, dimanche à bicyclette. C'est chouette, mais qu'est-ce que ça fait mal au cul. C'est pas du critérium de mauviette. C'est plat, mais c'est pire que quand c'est pentu. Pour se remettre du tour des Flandres et ne pas trop se dépayser. Vite fait avant de redescendre, Paris-Roubaix. Pensée partie, jusque là c'est classique. Les favoris font pas corps les malins. Je sens encore l'odeur de Véronique sur mes mains. Elle entend rien à l'héroïsme. Alors elle est restée couchée. Avec son or du cyclisme, le vélo ça l'a jamais branché. On a quitté les départementales sous les hurrahs et les vas-y poupou. C'est intemporel et phénoménal. On verra pas tous le vélodrome au bout. Surtout qu'à la première betterave, dans le premier secteur pavé, c'est là qu'on reconnaîtra les braves, des déraillés et des crevés. Les essuie-glaces font un sacré boucan. Au ralenti, dans la voiture balai, la dernière place ça vaut un petit remontant. Autant courir pieds nus sur des galets. Y'a des passe-temps plus exotiques, des amusements plus rigolos. Champion du monde de narcotiques, Paris Rio en pédalo. Dimanche à bicyclette, c'est chouette mais c'est mieux quand c'est toi le premier. Tu sais pourquoi t'as niqué tes chaussettes, voilé tes roues et foutu tes mollets. Mais ce soir, à la cantine, il n'y a pas d'issolution. C'est sûr on bouffera des rustines, à moins qu'il reste des chicons, à moins qu'il en reste. À moins qu'il reste des chicons, à moins qu'il en reste. Allez, petit bolide. C'est chouette, mais qu'est-ce que ça fait mal? Roll. j'aurai ta peau, et j'aurai ta peau, et j'aurai ta peau. J'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau. Ta peau de soyeuse, auberme, joyeux, petite allumeuse, j'y mettrai le feu, j'en mettrai au mur, j'en mettrai partout, j'en ferai des tentures et des pardessous. Et j'aurai ta peau, et j'aurai ta peau, et j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau. Ta peau de sardine au nom de poisson, dans ma piscine, par le fond, peut-être en sourdine, ainsi tu mettras le son. Peut-être passer selon, alors j'aurai ta peau, et j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau. Ta peau de banane au pouvoir glissant, ta peau de sultanée, tes yeux gris cendrés, alors... J'en veux encore tant que c'en est indécent. Alors j'aurai ta peau, et j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, et j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, et j'aurai ta peau, j'aurai ta peau. J'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, et j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, et j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau. Oh, Je dédicace cette chanson à Woody Allen. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de ce recueil « Conte de ses nouvelles ». Pourquoi tu ris? Je ricane parce que je manque d'énergie. Ben voyons donc, toi, le rire amène une boule. Une boule. Roule ta boule. Pause, pause, pause le rock'n'roll ta boule. Bref, cessons l'introduction. Ça, c'est Daniel Lavoie. Sors de ce gare. Sors de cette gare. Au tire-toi dans ce cigare pour enfumer un peuple qui cherche des voluptés à volonté. L'infini. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas encore là. L'infini. L'infini. Sur l'infini, je n'ai rien à dire. Alors, la phrase de Bukowski, parce que... Bref, ça sent les trucs... C'est... Si la folie vous intéresse, la vôtre ou la mienne, je peux vous toucher des mots de la mienne. Alors, touche, touche. Oui, vers le haut, vers le bas, vers le bas, le bas. Plus bas que ça, plus bas que ça, le plus bas. Oui, le bas que ça, c'est le mocassin, le mocassin. Qu'est-ce qu'il y a dans le mocassin? Il y a un pied pour danser, oui. Et ensuite, un talon d'archiduchesse. Hey, vous êtes une duchesse? Une duchesse, oui. Une duchesse de bancal. Ah, mon Dieu, pas la bancal, la vraie. La vraie duchesse de bancal. Qui recherche cette nuit, pour cette nuit seulement, son animal. Oh, mon, elle a perdu son poisson? Non, son chien. Son chien? Son chien. Son chien comment? Ben, son chien à quatre pattes, là. Son chien comment? Son chien avec du poil, des oreilles, puis mimi. Et c'est quoi ça? C'est des japonais de chien de cette archiduchesse. Elle est-elle sèche? Ouais, archiduchesse. Ben voyons donc, vous... Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut retrouver son chien. Ben oui, mais qu'elle mette un avis de recherche. Hey, là, attention. Là. C'est pas n'importe qui, là. Elle va avoir des serviteurs qui, eux, colleront des photos de ce Japitoutou. C'est pas un Japitoutou, c'est un chien. Ben oui, mais Japitoutou, c'est quoi, un Japitoutou? Japitoutou, c'est un chien. Ben oui, mais quel chien? Un petit chien. La machine a fait défaut. Toup, toup, toup, toup. C'est pas la machine, c'est le gars. Toup, toup, toup. Le gars fait défaut. On a demandé au début d'émission, mettez des nouvelles piles là-dedans. Dans le quoi? Dans le gars. Dans le gars, je dis que il y a la Lucie. Dans le bas de la Lucie, il y a dans le gars. Dans le gars, il y a c'est très profond, il y a un lac dans le gars. Ouais, la... Non, il n'y a pas de l'eau. C'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau. Il n'y a jamais eu de l'eau dans le gars. Dans le gars, il y a, oui. En Russie, ils mettent des bouteilles puis ils les referment. C'est de la vodka dans le gars. Ben voyons donc, toi, j'ai jamais vu de la vodka dans le gars. Arrête donc de dire voyons donc, toi. Non, je peux dire voyons donc. Voyons donc. Ah, c'est pas parce que toi, t'es ignorant que les gens en général ne savent pas. Tout le monde est au courant de ça, que dans la Russie profonde... Ça, plus profond que ça, là. Non, c'est dans les livres. Dans les livres anciens, empoussiérés, ben, il n'y a plus de la poussière là-dedans, là. Il y a des bouchons, ben oui, pour boucher les bouteilles de vodka. Pour ça qu'on dit qu'en 2015, là, ce sera asséché. Asséché, mais il n'y en aura plus. On ne pourra plus en avoir. Mais on va en créer. C'est pas du vin, ça, là. C'est pas des vignes qu'on place dans des cuves puis qu'on fait mariner. Mais mariner, toi, on connaît ça. T'es un cornichon mariné. Ah, merci. Mais je tiens à dire à tout le monde que tous les cornichons ne sont pas dans les pots. La preuve, regardez à côté de vous. À côté de vous. Madame à côté. Écoute, non, là, oui. Et c'est mon mari, ben voilà. C'est qui ce mari-là? Et c'est mon mari qui rit, mon mari qui rit, mon mari qui rit. Non, c'est Yara qui rit. Yara qui rit? Non, c'est Ara qui rit. Ara que non, il rit pas, lui. Pff, il a jamais ri parce que... Non, mais il comprend pas. Il comprend pas quoi? L'existence. Votre mari ne comprend pas l'existence. Non, non, il a jamais compris ça. Puis il m'a demandé le sens de la vie. OK, mais c'est facile à raconter. Mais voyons donc, moi, je sais pas, c'est, est-ce que c'est horizontal, vertical, infini? C'est quoi? C'est où le sens de la vie? Oh, monsieur, c'est très, très simple. Hey, arrête-toi ça, là, parce qu'il y a des gens qui font des recherches pendant une vie entière pour connaître ou savoir le sens de la vie. Ben oui, mais c'est très simple. C'est vers le long. Vers le long. Vers le long des gorges claires. Des gorges claires? Non, des volgrettes. Il y a... Quoi, que les gorges aussi. Les gorges profondes, mais... Il y aura cailloux blancs, cailloux gris, de l'eau pure, de l'eau claire, mais aussi l'eau comme la pluie et le titre de Bukowski. C'est Pochard ou poète? Pochard? Ben oui, Pochard. Il est très tard pour Pochard. Mais oui, mais où est le poète dans Pochard? Les frisés, les coiffeurs, les condés, les saligots, les maridas, les aisés, les bluffeurs, les blindés, les parigots, les candidats. Les conscrits et les prophètes, les sous-préfètes, les non-inscrits, les sans-scrits, les contrefaites, les troubles faites, les indécis, tous métis, tous métis. Les kidames, boulangers, polygames, les arrangés, les arrangeants, rabat-joie, imams, chamans, les allongés, les obligeants. Les clampins, les pieds beaux, les catcheurs, les cabotins, les ursulines, les pantins, les poules beaux, les cafteurs, les collabos, les orphelines. Tous métis. Tous métis. Tous métis. Tous métis. Malingres, les andalous, hurluberlus, les zoulous, les marlous, les pingres, les rabougris, les incongrus, les costauds, les cuistaux, les commodes, les prolétaires, les aristos, les pas pratiques, les à la mode, les hépatiques, les comme il faut, tous métis. Qu'ils en disent tous, quoi qu'ils en disent tous. Les tordus, les loquedus, les marioles, les socialistes, les chauds lapins, les glandus, les tapins, les tafioles, les pompistes, les mandarins. Les avares, les véreuses, les chafouines, les prodigués, les rubicons, les fils de pute, les rois des cons, de Navarre et de Tataouine, tous métis. Lorsque tu prépares un album, as-tu toujours ce réflexe-là de dire « j'espère que ça va fonctionner, j'espère que le public va accueillir ou... » Non, je me dis « j'espère que je vais faire des dates, que je vais en vendre suffisamment pour pouvoir en faire un autre. » Et le prochain, il va parler de quoi? Il va parler un peu, savoir s'appuyer sur le... Alors le prochain, je pense qu'il va être encore un peu plus provo que celui-là. un peu plus? Un peu plus provocateur. Ok, ok, ok. Ouais, là, ouais, t'as trouvé peut-être ta ligne de conduite. Ouais, enfin, j'ai toujours bien aimé ça. Okay. Tu vois, j'ai toujours été fan de Des Proches. Coluche un peu? Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est la même école. C'est la même école. Et puis, à l'époque, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il dirait maintenant? Qu'est-ce que dirait Des Proches? De sa réalité actuelle. Quoi. Il faudra faire des bons. C'est incroyable. Il y a de la matière. Hein. Donc voilà, il va être un peu plus provo. Enfin, un petit... cette veine provo, il y a des chansons comme Mangeons des cons, tu vois, une solution pour la fin dans le monde. Très intéressant. Ça, il va s'appeler Luxe, Calme et Volupté. Donc un peu complètement le contraire de ce qui va être à l'intérieur. Ça, c'est pour aller dans... C'est une réaction déjà là. Pour aller dans le cinéma. Juste l'oxymore. Le titre est un... Oui, c'est ça, exact. Oui, puis c'est un petit... Voilà, c'est Baudelaire. Hein. Oui, ça témoigne. En fait, on a... Il y a 3 ans avec Gilles Deboer, on a monté un spectacle autour de Baudelaire. On a remis en musique ce qu'avait... que Ferré avait fait. Avec qui? Avec Axel Bauer? Non, Baudelaire. Ok, Baudelaire, ok. Ça n'a rien à voir. Okay. On a monté un spectacle, on n'a pas fait 10 parce que... Le fils Ferrel à la mémoire et la mère, il n'a pas voulu. Ah, ça, c'est un... Il a trouvé ça vachement bien, mais il me dit, vous faites un 10. J'ai dit, attends, c'est à toi. Ouais, bon. À la mémoire de Ferré, puis bref, c'est hallucinant. Enfin, je pense que Mathieu fait travail. Mathieu Ferré fait. Il m'a l'air plus. Comment dire, crédible par rapport à sa démarche. Mais bon, après, c'est le seul que je connais un peu. Donc, moi, j'ai juste dit, non, je ne vais pas faire de 10. Si, c'est une bonne idée de faire un 10. En plus, c'est un frais de recours. Tu vois, on venait de faire le Festival d'Avignon, on l'avait dans les pattes, on l'avait joué 25 fois de suite. Tu vois, tu fais 2 jours de studio avec des musiciens gars, tu as la tête. Mais c'est à toi de raquer le truc. Hein. C'est toi qui vas récupérer. Donc, ça n'a pas abouti. Et donc, c'est pour ça, il y aura. L'album va s'appeler Luxe, Calme et Volupté. Est-ce que l'ordre des chansons est déjà établi? Non, ça va voir, je vais voir parce que peut-être j'ai une petite idée par quoi ça va commencer, mais pour l'instant c'est que des maquettes que j'ai fait dans mon garage, tu vois, donc je vais voir. Et c'est un enfant qui te plaît déjà en partant, t'as hâte de te proposer parce que tu dis, là, il me semble que là, c'est... Ouais, je suis bien avec. C'est un truc que j'ai fait beaucoup plus d'arrangements que d'habitude. Même si c'est simple. Hein. Ouais, je le sens bien. Est-ce que tu fais beaucoup de spectacles plein air ou Oui, à part là en ce moment, vu que je devais être opéré là. Et puis les délais de tout vip, ça. Je pensais être tranquille à la rentrée. Mmh. Oui, plein air, extérieur. Même à l'extérieur. Mais est-ce que oui, exactement. Est-ce que tu fais beaucoup de spectacles par année quand tu es en pleine forme, quand tu n'as pas de problème technique? Non. Non. Enfin, ça, depuis 15 ans, c'est quoi? C'est entre 50 et 30. Voilà. Parce que je joue aussi beaucoup tout seul. Ah, ouais. Tu vois? Donc c'est ça, c'est entre 50 et 30. Et cette année, ça a été beaucoup plus 30. Et tu peux arriver à vivre ça? Oui, il y a le statut d'intermittent. Je travaille aussi comme comédien, je fais des musiques pour des courts-métrages, je fais des ateliers avec des enfants autistes, des chansons, des choses comme ça. Donc, en France, puis en France, on a le statut d'intermittent du spectacle. Contrairement au Québec. Tu vois, qui est, voilà. Mais après, moi, j'aimerais, il n'y aurait pas de statut si j'ai 15 endroits pour aller jouer le soir, puis passer d'un endroit à l'autre. Avec ma guitare, il n'y a pas de problème. Mais en France, on n'a pas ça. Oh oui, c'est vrai. Il n'y a pas ça. Donc s'il n'y a pas ce statut-là, les artistes, ce serait certainement mieux d'avoir plein d'opportunités de jouage. Puis ça évite, ça donnerait aussi une liberté, parce que c'est la culture, l'exception culturelle française, c'est sous perfusion. Et pourquoi t'es boudé sur les réseaux publics, radiophoniques, France Inter, France Culture? Je sais pas, ils ont tous mes disques. Hein? Je sais pas. Est-ce que le message peut déranger? Je ne sais pas. Est-ce que les radios libres, tu veux ça? Ouais, mais après les radios très très France Inter, très très peu. C'est arrivé, mais très très peu. Il faut être cravaté. Il faut être dans les petits papiers. Je pense qu'il y a aussi une bureaucratie, un milieu chanson parisienne ou parisien. Tu vois, où chacun est à chaque. à chaque niveau de la production. Et vas-y, à toi, c'est, ben des, ouais, c'est des affaires c'est qui se règlent au restaurant, qui se... En poussant les petits chèques. Et puis, moi, je vois les... Tu vois, les chroniques dans des magazines gratuits comme Longueur d'onde, comme tout ça, je vois. C'est québécois, hein. C'est québécois à la base. Longueur d'onde. Voilà. Mais d'un autre côté, la chronique de l'album, qui est très bonne, elle est petite comme ça. Mmh. Et le lendemain que j'ai envoyé l'album, ils m'envoient les promotions pour les encarts de pub et tout ça. Et de toute façon, je n'ai pas les moyens de ça. L'association, parce qu'on travaille dans l'association, n'a pas les moyens de ça. Donc évidemment, comme tu ne payes pas la pub, tu as un petit encart. Mmh. C'est ça, donc c'est encore là, si tu payes pas toi, si tu sors pas de chèque. Moi je le vois, comme ça compte. Et tu travailles sur cet album-là et tu voudrais quand même qu'il sorte rapidement avant ton opération? Je voudrais l'enregistrer avant. Non, non, je voudrais pas qu'il sorte. Après, on verra pour sortir, mais je voudrais l'enregistrer maintenant. Ouais, ouais. Parce que là, tu sens également que l'élan est là, que l'énergie est là et que dans ta tête, c'est. Ça se prépare. En fait, je m'étais mis dessus début avril. Là, je suis parti. Généralement, je prends un sac et je me casse, tu vois, avec un petit peu de matériel. Maintenant, il y a du matériel, tu vois, une petite guitare, un petit clavier, un petit ordi. Donc, je suis parti voir un copain à Nice au mois d'avril. Après, on m'a prêté une maison dans la Manche là, le mois dernier. Et puis, quand je suis revenu, j'ai tout mis. Et je me suis dit, bah, putain, il y a 15 morceaux, c'est arrangé, c'est... La piste est quand même assez avancée. J'étais surpris. Et là, je me suis dit... Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Mais on attend. Attends quoi? Mais ça fait des... Et si j'avais dû attendre, je serais encore en train d'attendre. Sony appellera pas. Parce qu'évidemment, tout le monde va dire, il faut pas faire ça, faut faire les trucs dans l'ordre, pas dans l'intérieur. Je te jure, je serai toujours en train d'attendre. Donc j'attends pas. Ouais. J'ai des questions à te poser, puis on va savoir vers où on va se diriger. Si tu étais un liquide. Un liquide, limite gazeux. Ok. C'est-à-dire? Avec des bulles. Ok. Au minéral, des trucs comme ça? Pas forcément au minéral. Okay. Là, avec des bulles. Avec des bulles. Il faut que ça... Champagne aussi, inclusivement. Par exemple. Okay. C'est mieux champagne. Ouais. Si tu étais une ville... Venise. Ah oui? Ouais. La magnificence basée sur la merde. Ah oui, ça c'est vrai, effectivement. Ouais. Si tu étais une langue... Langue vivante. N'importe laquelle. N'importe laquelle. Si tu étais une époque. Futur proche. Maintenant. Maintenant. Ouais, voilà. Le temps qu'on. À cet instant, devant deux micros. On vient d'y passer. Et ta cigarette. Si tu étais un aliment. Ok. Mais qu'est-ce que tu aimes bouffer? Beaucoup de choses. Okay. J'aime bien bouffer, j'aime bien faire la cuisine. Ah, donc t'es bon, en plus tu excelles. J'excelle, non, mais je m'en sors. Ouais, okay. C'est comme ça que tu es arrivé à te faire aimer de ta copine? Entre autres. Et te faire pardonner certaines affaires aussi. Voilà, Si tu étais un mot. Un gros mot. Un gros mot sale. Un gros mot sale. Un gros mot sale. Un tabarnak. Un tabarnak. Si tu étais une saison. L'hiver. L'hiver? L'hiver, ouais. Et ton pays, c'est l'hiver, comme Gilles Vigneault. Ouais. Enfin, en sachant que c'est pas le même hiver, je pense. Mm-hmm. Mais ouais, j'aime bien l'hiver. Mais ça sent moins la merguez. C'est dommage, t'aimes pas ça, la merguez? Ah si, j'adore. Mais l'odeur, l'été en France, ça sent... Ah, ça sent juste la merguez? Ça sent la merguez. La plage, ça sent la merguez. C'est bizarre parce que... La merguez, l'ombre solaire. Oui, c'est ça, mais pour vrai, ça sentait la bière. Berlin. Si tu étais un membre corporel. Un pied. Un pied? Un pied. Pour le prendre? Ouais, pour le prendre, c'est vachement, j'adore les pieds. Ok. C'est fétichiste? Oui, mais j'aime le mien aussi. Hein, ok, comme, ok. Si tu étais un moment de la journée? Le matin de bonheur. Ah oui, t'es un gars qui se lève tôt? Ouais, je me couche tard, je me lève tôt. Alors tu dors pas, t'es comme moi? Je dors, je vis très bien avec 4-5 heures. Mais c'est le café qui tient. Avec un. Ouais, mais même je me réveille sans réveil. Voilà, j'ai 4-5 heures de sommeil. Après, quand je parle de dormir, je parle pas de cuvée. Ouais. C'est une autre chose. Ouais, c'est ça, quand tu te réveilles, quand tu as une gueule de bois. Et j'aime bien ce moment le moment du petit matin, quand tout le monde, avant que tout se mette en route, j'aime bien ce moment-là. Mais j'aime bien aussi le soir tard, quand tout le monde s'est bien arrosé. Ouais, quand tout le monde s'est. Ouais, j'aime bien le matin de demain. Drame à bon entendeur convaincu, mais attention, pas d'amalgame, tu sais, j'ai toujours cru aux femmes. Si tu me montres ton cœur, je ne regarderai pas ton cul, ton si joli petit intérieur, pour ainsi dire, je l'ai jamais vu. Alors je regarde ton cul et je ne regarderai pas ailleurs, sauf peut-être à la rigueur si tu. J'ai toujours cru aux femmes, j'ai toujours cru aux femmes. Ton cul, mais si tu me montres ton cul, je n'en ferai pas un mélodrame. À bon entendeur, salut, mais attention, pas d'amalgame, tu sais, j'ai toujours cru aux femmes, j'ai toujours cru aux femmes. J'ai toujours cru aux femmes, j'ai toujours cru aux femmes, toujours cru. Du soir, les enfants du bloc 7 derrière les abattoirs, quand le cœur en compote et pas trop la main verte, j'arrête de respirer, j'enfile ma vie de rechange, je mets les pieds dans le bout. L'éminent spécialiste se penche sur la question, mettre du concret et de la pragmatique, et immole sur l'autel des putains statistiques, des idoles névrosées de la grande tradition. J'arrête de respirer, j'enfile ma vie de rechange, je mets les pieds dans le pot. Tout bien considéré depuis le temps que ça me démange, je mets les pieds dans le pot. Poètes officiels, la refourgue à qui l'on veut. Des morales en qui à s'injecter soi-même. Des Éden à deux balles qui nivellent par le mieux. Ce qu'il faut, ce qu'on doit, ce qu'on peut, ce qu'on aime.

poètes officiels la refourguent à qui l'en veut. Des morales en qui à s'injecter soi-même. Des édénards de balles qui nivellent par le mieux. Ce qu'il faut, ce qu'on doit, ce qu'on peut, ce qu'on aime. J'arrête de respirer, j'enfile ma vie de rechange. Je mets les pieds dans le pot, je mets les pieds dans le pot. Tout bien considéré, depuis le temps que ça me démange. Je mets les pieds dans le pot, je mets les pieds dans le pot. Je serais pire. Oh! Je serais pire. Tu serais Rimbaud. Ouais, pas sûr, pas sûr. Ça, c'est pas pire. Ouais, je serais pire. Pire dans le sens que moi. Extrémiste? Ouais. Okay. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Je pense, oui. Ouais. Enfin, avec les erreurs, Avec les erreurs, oui, je pense. Oui. Je pense que ça se ferait... Il se ferait comme ça, le même chemin. C'est le mien. Je pense qu'il se ferait comme ça parce qu'il est le fruit de choix, pas forcément réfléchis, mais de choix. Et il n'y a pas de raison que je l'appréhende autrement. Je vois pas, Tu sens à l'aise avec ce que tu as vécu et ce qui est à venir. Ouais, après ce qui est à venir, ouais, puis encore plein de trucs. Voilà. Après tu te rends compte que tu es de moins en moins immortel. Mais... Ah oui, ben là, les années passent. Les années passent et puis on fera pas tout, Mais il y a encore des trucs à faire. Ok, alors t'étais plein d'ouverture vers ce qui va. Ouais, moi j'ai beaucoup envie de voyager là, les gars. J'ai vraiment beaucoup envie de voyager. Ok, est-ce que tu voyages souvent? J'ai pas mal bougé pendant un moment, après je me suis un peu arrêté pour l'Asie, les enfants, tout ça, mais là je vais. Les enfants grandissant, je vais vraiment. Tu veux faire un peu comme ton phoque en Alaska, tu veux aller tourner mon loufoque, sur ton nez. Mon loufoque en Alaska. Ton loufoque, oui, c'est bon, ton loufoque en Alaska. Ben, j'espère que ça va passer par la ville de Québec. J'aimerais beaucoup. As-tu un tourneur? Non. Association. Donc, ce qui fait que, à part un réseau qui est créé de connaissances, d'endroits où tu joues, tu rejoues, enfin, sur des albums. Au niveau national, un peu en Belgique et tout ça, il n'y a pas beaucoup de nouvelles dates qui disent parce qu'il n'est pas dans le booking, n'est pas dans, tu vois, dans tout ce business. Et des amis quoi. Peuvent aussi t'amener dans d'autres pays. Bien sûr, des amis, Brad, des musiciens, bien sûr, avec Brad, avec le Gainsbourg, on était se balader, pas mal, quoi, et ça c'était vraiment cool. Et puis en plus, j'ai beaucoup aimé faire ça, c'est la première fois que je me trouvais sideman. Okay. Et ça, j'ai vraiment adoré ça. Est-ce que tu es dans d'autres organisations musicales? Est-ce que tu te lis à la guitare dans d'autres groupes? Non, ça m'est arrivé avec le Gainsbourg, ça dépend. Bah, quand on me propose des projets, ou des projets de théâtre, ou des choses comme ça, théâtre comédien et tout ça, bah, je me lis avec d'autres personnes, mais ça dépend du venant de ce qui vient comme projet. En ce moment, la situation fait que je pense que les projets ne se multiplient pas. Les projets culturels ne se multiplient pas parce que les gens ont du mal à les monter et il y a vite un repli. Mais quand on fait appel à toi comme comédien, tu dois avoir quand même malheureusement un profil. Exemple, si on cherche quelqu'un, un saltimbanque, on va t'appeler, on va dire, regarde, on a un rôle pour toi. Ou si, au contraire, tu peux toi-même être surpris par une offre qui est loin de toi. Oui, puis des fois, je passe le pour et le contre. J'aime bien l'aventure, j'aime bien me jeter dans le vide. Mais est-ce qu'on te prend parce que tu as une gueule? Ouais, je pense qu'au départ, on me prend pas pour mettre un nom de comédien, on me prend parce que. Parce que je sais me tenir dans la lumière, quoi. Et puis je joue pas. J'ai pas de formation de comédien, donc je suis très brut. Ouais. Tu vois, voilà. Après, on me prend pas dans des trucs très pointus, très techniques. on prend, mais par contre, on peut prendre dans des trucs complètement allumés aussi. Oh, oui. Si on a besoin d'un truc urbain, des protagonistes urbains dans leur monde, mm-hmm. donc t'en fais partie. Ouais, après je fais des trucs de théâtre assez particuliers. C'est un peu. Là, le dernier truc que j'ai travaillé, c'est un auteur belge contemporain qui s'appelle Patrick Lerch. Mmh. Je te conseille de. Si t'aimes le mot. Mmh. C'est un mec qui travaille sur l'épuisement de la langue, du langage, c'est un bègue. Donc, un bègue. Un bègue. Ok. Un bègue. Et j'ai travaillé avec un metteur en scène bègue, qui est un ami à moi aussi. Donc, en sachant que lui. L'un comme l'autre, ils savent. Quand ils se téléphonent, tu vois, je te dis pas la note. Hein. Oui, c'est ça. Oui, ben chez nous, non, c'est gratos, ça. Tu décroches, c'est gratos. Et en fait, ils travaillent sur l'épuisement. Ils travaillent sur l'épuisement. Et quelqu'un qui est bègue, dire bonjour, c'est un effort. Donc on se rend pas compte. Ben, je suis bègue. T'es bègue aussi? Voilà, donc tu connais ces problématiques. Oh, oui. Et tout ce travail qu'a fait Patrick Lerch, l'auteur dont je te parle, on peut trouver des trucs sur internet. J'ai travaillé sur un truc qui s'appelle le dire troublé des choses. Qui est une série de 60 monologues, 30 d'hommes, 32 femmes, même format. Et toujours des bêtes. Et sur des obsessions. Ok, ah oui, oui, oui. Sur des obsessions. Et en fait, tu te rends compte que chaque obsession, mais ça peut être l'obsession de la gonzesse qui veut faire ses courses, qui ne sait pas qu'elle va faire manger, et qui boucle que tout. Ah ouais. C'est vachement intéressant. Et ça amène aussi un truc, un épuisement. C'est des théâtres assez particuliers. Oh, ce oui. sont des monologues. Ouais. Donc des monologues qui durent. C'est psychologique, c'est très psychologique. Ouais, c'est très psychologique, mais aussi très, tu vois... Humaniste. Très humaniste et très lâché, quoi. C'est, oh. Il lâche les trucs, hein, il y va. Tu vois. Et c'est le principe d'écriture automatique. Ah, c'est bien, ça. En fait, il fait un format, il écrit avec un sablier, clac, clac, clac, clac. Et après, il a tout... Donc, 30 monologues de l'homme, 30 monologues de femme alternés, il met tout de côté, et après, il diminue le format sans diminuer la police. Et donc, pareil, au sablier, il faut qu'il retaille un petit peu, qu'il enlève un petit peu pour diminuer le format. As-tu vu dans Moment de vérité, quand c'est Coluche, il y a un bègue qui prend la parole? Ça me dit rien, ça. Ah non, on faudrait que tu regardes. C'est pendant la deuxième rencontre, parce qu'il y a fait deux moments de vérité. C'est la fameuse émission où il était assis dans son fauteuil, comme un bébé. Exactement, ouais. Et il y a un bègue vers le trois quarts de l'émission qui se lève et qui, en fait, qui raconte un peu sa vie. Et Coluche est touché, puis en fait, tu fais une petite blague de con, là, et mais après, il a été comme interpellé, et deux mois après, on le voyait dans un film, ce bègue-là. Il jouait à côté de Jacques Villeray. Ouais. Jacques Villeray, puis l'autre, je peux pas te le dire, malheureusement. Et donc, c'est un type qui traverse la rue et qui demande un chemin, et c'est un bègue, donc il jouait son propre rôle. Ouais. Donc, il a été reconnu là. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant des fois de voir comment un événement qui semble anodin de passer à la télévision pour poser une question à Coluche peut t'amener ailleurs. Et puis ouvrir un vrai débat, c'est ça, c'est ça. Un questionnement. Et même un boulot éventuel, parce que j'ai devenu un comédien pendant peut-être un an et demi. Là. Ouais. Juste parce que le fait qu'il bégayait puis que... Mais mon pote metteur en scène avec qui j'ai travaillé sur ce spectacle-là, qui connaît bien l'auteur aussi, c'est un mec qui est assez bègue, mais par contre, il peut te dire Shakespeare oui. Sur scène, tout sans bégayer. Tout droit, sans bégayer. Mais Francis Perrin. Hein. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais, c'est ça. As-tu remarqué que... Mais maintenant, oui. Au départ, c'était pas si simple. Ah oui, c'est du travail. C'est pas si simple que ça. Mais as-tu remarqué que lorsque tu es avec des bègues, parce que là, toi, tu as un environnement bègue, toi-même, tu bègues. Non, j'ai pas remarqué ça. Non, hein, mais non. Effectivement. Ouais. Remarque-toi, je regarde. Remarque la façon dont tu parles après, là, puis t'as de l'hésitation. Écouter quelqu'un parler, puis qui freine ses mots, ou qui remanche ses mots, qui peut pas sortir les mots, à un moment donné, tu deviens comme lui. C'est du mimétisme. Ouais, bah oui, comme tu peux avoir du mimétisme avec l'accent. Oui, ah oui, comme, ça, effectivement, c'est vrai. Avec votre accent, par exemple, moi je suis pas sorti, je vais au Québec, je ne sais pas. Il y a un truc que je voulais dire, parmi mes grosses influences, il y a Plume la Traverse. Ok, ben oui. Que j'ai, vu plusieurs, que j'ai vu plusieurs fois sur scène quand j'étais gamin. Oui. Et je connais plein de ses albums. Et tu vois, et son parcours incroyable. Quoi, il vieillit très bien, bonhomme. Cette possibilité de faire des chansons sur n'importe quoi. Oui. Et toujours avec la touche. Avec un truc. En appuyant à l'endroit où ça fait mal. Qu'est-ce qui devient donc, toujours des albums, toujours des spectacles. Ouais. Comme là, il était à la Fête nationale du Québec le 24 juin. Il roule sa bosse. Mais c'est un gars quand même assez reclus du milieu artistique. Ouais, bien volontairement. Sûr. Volontairement. Ouais. Et ses albums sont toujours attendus. Autant par la jeunesse. C'est un gars. Il fait un lien. Ben, c'est un gars qui intemporel. C'est-à-dire que les bonhommes et les bonnes femmes qui l'ont écouté dans les années 70 vont acheter mais du encore, bleu. Ouais, ben ouais, c'est mais les enfants aussi veulent encore avoir cette vision d'un bonhomme qui n'a rien perdu de ses mots, de sa verve, de sa façon de raconter une histoire et surtout le côté un peu dandiste. C'est un grand dandiste. Et il se fout de tout. Hein. Et il a fait sa carrière là-dessus et ça lui a rapporté quand même pas mal. Ah, jamais en voulant se prostituer. Égal à lui-même. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour sa carrière et puis moi, j'ai vachement aimé ce qu'il... Ouais, j'ai vachement aimé ça. Bah, écoute, on va en faire jouer pendant qu'on diffusera notre rencontre. Ah bah ouais, vas-y. Là. Tu peux me la traverser mur à mur. Ouais, avec tes chansons à travers ça, ça risque d'être assez festif. Comme j'allais jouer à balle avec mon gars. Oui, exactement. Puis même, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est quand il reprend du Brassens hein, dans ses albums, il blague avec la France, après ça, il du tabarnak, on va revenir naturel. Oui, il est capable complètement, moi, je me rappelle. Mais ah, putain, là, c'est un des spectacles qui... où j'avais énormément ri. Oh, oui. Énormément ri. Comme un spectacle. Alors c'était un concert, tu vois, il y avait une groupe de rock et puis ça jouait. Hein. Rock blues, tu vois, ça jouait. C'est... Mais quand tu veux que tu comprennes bien, tu comprends bien. Hein. Il peut parler pointu. Hein. Et il se moque beaucoup de ça parce qu'on s'imagine, encore aujourd'hui au Québec, que du fait qu'on écrit en joual, on a un langage francophone inférieur à la norme française. Mm-hmm. Donc, le joual, c'est absolument rien d'autre qu'une couleur linguistique. Michel Tremblay, qui est un auteur québécois, dans ses narrations, un français classique. Mm-hmm. Et dans ses dialogues, il utilise le joual. Donc, le joual n'est pas une sous-langue. Au contraire, c'est pour appuyer une idéologie, une culture et surtout des luttes qu'il y a eu autour de ça. Oui, un moment, une époque. Ça zoome une époque. C'est un cliché sur un moment précis. Ouais. Donc, du Michel Tremblay en 70, comme tu peux me la traverser en 70, c'est autrement que du Plume en 2013. Et ça reste du Plume à travers, de l'authenticité. Ben, merci d'être venu chez nous. C'était un plaisir. via mon émission. Et je viendrai avec plaisir. Écoute, ce qui me plaît là-dedans, c'est les liens. C'est? Les liens. Oui, bien sûr. Dans toutes mes rencontres, je fais ça depuis des années, c'est des gens qui me disent « Ah, tu devrais rencontrer lui, tu vois, elle. » Puis c'est les influences que les artistes ils font de la promotion de leurs amis à travers leur propre promotion. Donc, ça prouve l'ouverture qu'ils ont. Ouais, c'est ça les vrais copains. Et nous, on dit des chums. C'est ça, des vrais chums. Des chums. C'est des gens qui vont pousser leur truc, mais en même temps en disant mais moi je connais quelqu'un qui ben oui, bien sûr, c'est pas... et voilà, moi, je pense que le protectionnisme c'est le pire des ralentissements, c'est le pire. Plus il y en a, plus il y en a, c'est tout. Ouais. Il y a des gens qui pensent que je vais pas aider lui parce que ça va me faire de l'ombre. Non. Quand ça émulsionne, on parlait des bulles, tu vois, quand ça émulsionne. C'est vrai. Il n'y a jamais une bulle toute seule. Non, effectivement. Et c'est dans cet amalgame-là que la francophonie prend forme et que les bulles explosent. Magnifique. Hey, enchanté, hein? Ah, super. À la revoyeux. Salut. Merci. Les nouvelles du dimanche sont meilleures que la semaine. Les stars au crachoir nous en arrent bien bonnes d'un air compréhensif. Il fait beau dans la Manche. Vive les classes moyennes. Affûtons nos mouchoirs. À du long, la Madone, prenons-la, péritif. Prenons-la. Aux nouvelles du dimanche, toujours les mêmes sirènes, des experts qui s'expriment sur la marque des fleurs. Et les grands bêtisiers, les bons cœurs font la Manche. Il fait plat dans la plaine.

Sous ta peau des eaux vives, des sources furtives, les airs à l'eau de rose. Les rêves en osmose avec le cours des rives et la dérive des choses. Sous ta peau labyrinthe, à tue-tête, tes plaintes, un revers de soi. Des serments d'hier, des serpents qui teintent, des empreintes de moi sous ta peau. Sous ta peau. Sous ta peau des errances, des exubérances, l'étrange migration de tes connexions comme sous influence du toit en question. Sous ta peau des comètes, des tuyaux qui pètent, des confettis, des serpentins, des serments qui manquent, des serpents pompettes, des super pantins sous ta peau. Sous ta peau. Sous ta peau. Sous ta peau. Des nasses, des fantassins, des oiseaux qui passent, les hyperespaces comme des séraphins. Sous ta peau des colosses, des plaies des bosses, des cris gris perçants, des bas qui blessent, des petits cosmos, des cris perçants. Sous ta peau. Sous ta peau. Sous ta peau. Sous ta peau. Sous ta peau. Sous ta peau. Sous ta peau. Sous ta peau. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.